Hey, bonjour, bonsoir. Vous écoutez Voix de Fait sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. C'est l'avant-dernière émission animée par le collectif Anarchiste la Nuit pour cette saison. Alors, cette semaine, c'est Nicolas en compagnie de... Jenny. Et Stéphane. Et Farouco. Et on va parler, mais comment passer à côté du cardinal Ouellet et de la campagne Québec Vie, dont on a déjà parlé la semaine passée. Je sais pas si on leur accorde trop d'importance, mais en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils étaient dans les médias cette semaine. Ah oui, donc, tu nous fais un retour d'ascenseur là-dessus? Ouais, effectivement, une petite revue de presse, on va commencer comme ça. Puis écouter un petit peu aussi ce qui s'est dit à l'intérieur de cette rencontre, donc de la campagne Québec Vie. Ouais, parce qu'on avait des petites souris à l'intérieur. Et, oui. Et sinon, on va revenir sur... en fait, il y avait la campagne Québec Vie, mais il y avait aussi la marche contre l'homophobie organisée par le GLBT Québec lutte à l'homophobie. Et il y a François qui nous en a ramené un reportage qu'on va écouter. On va revenir sur cette question-là. Et pour terminer, si on a le temps, on va parler des attentats, des soi-disant attentats anarchistes à Ottawa qui ont eu lieu la nuit dernière. En fait, on va profiter pour parler du G20, du G8, parce que c'est un beau cas de détourner l'attention. Ouais, disons-le comme ça. Mais on a aussi de la musique. Oui, on va commencer avec une vieille pièce de IAM qui se passe de présentation. IAM. Mon histoire de France à moi commence par un génocide, ses pensées maussades. Romance, une revanche impossible. On est tous fils de la Bible. Black et black au mic en habit bleu. Nous on maquille ces putains de feuilles immaculées en nuit bleue. Ils brandissent la Bible et mettent Jésus acteur de l'intox. Ils nous ciblent avec la rabla comme du flitox. Moi je revendique ma différence dans ce pays merdique. Doucement, en doucement, t'inquiète, on fait des sous sous le manteau car tous mentent. Comment leur faire croire? C'est capable des cancres là, moi je manque là. Mon encre là, brave des cancres là. Mon âme striée par les vicissitudes. Glace un cœur froid d'habitude, noir de bitume. La vie c'est le vice à l'étude. Ouais, vu d'en haut, y'a pas de frontières, c'est géant dans le néant. Les néons flash, amené en galère, en bas, c'est un fion béant. Dans chaque pas, le recueil de notre juste lutte, ainsi Dieu l'a voulu. Édifiant, et nous, ainsi Dieu. Que se remplit de sales principes, gise-la. Brise-la, verdure persiste, vise et mise-la. Que tous ces chiens crient viva sentenza. Le mal qui nous berce, nous on y perche, c'est potenza. Mike Liberta, Mike Umberta. La vie est mal faite, et pour beaucoup, elle finit perda. Que se remplit de sales principes, gise-la. Grise-la, verdure persiste, vise et mise-la. Free, l'indifférence, prie, les conséquences qui défient ma fille. L'insouciance, lit, Mars by night. Mike branché, je débarque pas d'un boat. Sur bitum note, sur orbite, les écrits mes notes. Independenza pour nos troupes au complet. Propageant le plastique dans les foyers mieux qu'un amas. Exempté, devoir d'aller dans l'allée. Où je devais être, je trouve mon chemin. Je tombe sur terre, une comète allée. Mes motifs sont bien meilleurs que mes méthodes. Ton tube cathodique, allume-le. Plat d'histoire apologique. Fantasmagorique, ma prod mieux qu'une drogue euphorique. Quand les tiens sur nos sens tordes, vas-y, qu'on braque les faisceaux sur nous. Chacun détient son réseau. Chez vous, gros dans le vice, les grosses vis tôt. Le monde s'agresse, se graisse, régresse. Dresse ton bilan, ce qu'ils pondent ici, c'est pour leur adresse, mec. Ces chiens crient viva sentenza. Le mal qui nous berce, nous on y perche. Les potenza. Mike Liberta, Mike Umberta. La vie est mal faite, et pour beaucoup, elle finit perda. Que se remplit de sales principes, gise-la. Grise-la, verdure persiste, vise et mise-la. Independenza. Que tous ces chiens crient viva sentenza. Le mal qui nous berce, nous on y perche. Les potenza. Regarde ces lumières étranges oranges. Tu crois que c'est le pays qui change? Franchis le tunnel de l'estaque. T'écoutes même plus en France. Pense qu'ici plus qu'ailleurs, la différence est une valeur. L'indépendance dans toute son ampleur. Rien à voir avec la chaleur. Mais ça bouge dans tous les sens. Des gens proscrits tant que leur chance ose. À force de rien avoir, tu fais de grandes choses. Avec des bouts de craie, le ciel toujours sûr, mais pas assez dans la tête. Ça devient de plus en plus dur. Y'a un képi pour une casquette. Les cœurs battent sans cœur. Les styles au saignent à flot. Trop de jeunes s'ouvrent les veines parce que trop de mots. Alors on pose des mots sur une démo. On crie bien haut. La sale race n'est pas prête pour le tombeau. Les braves tombent au combat. Voient les balcons plein de drapeaux. On est dans le pot de drap. Rien, ça file la rage. Même quand les cages serrent comme des corsets. Là c'est le corps sonne le jour annoncé. Et là, ça va se corser. Trop pressurisé. La on guette sur Sion là. Ayam sévit dans le maquis au nom de l'indépendenza. Mike Liberta, Mike Umberta. La vie est mal faite, et mal faite. Et pour beaucoup, elle finit bâtard. Que se remplit de sales principes, gise là. Grise là. Verdure persiste. Vise et mise là. Que tous ces chiens crient vive à Sentenza. Le mât qui nous berce. Nous on y perce. Des potenza. Mike Liberta, Mike Liberta. La vie est mal faite. Et pour beaucoup, elle finit bâtard. Hey, de retour à Voix de Fée, l'émission du collectif anarchiste La Nuit sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Cette semaine, comment passer à côté des déclarations fracassantes de Monseigneur Couture? Wallet. Wallet. Eh oui, c'était Wallet. Ah mon Dieu, je les mélange tous, mais... Faut dire qu'ils s'habillent un peu pareil aussi. Ouais, c'est ça, c'est dur de les mélanger, des hommes blancs, grisonnants, habillés en rouge, ou en noir. Mais bon, enfin, bref, toujours est-il que le monsieur, il est allé de déclarations, ma foi, incendiaires sur la question de l'avortement, et voilà, c'était dans le cadre d'une réunion de pro-vie à l'hôtel Château-Laurier, je pense. Oui, exactement. À l'hôtel Château-Laurier, à Québec, donc samedi dernier, puis on peut se demander, en fait, à la lecture de tout ça, avec le tollé qui a suivi, s'es-tu tiré dans le pied, M. Wallet? Eh bien, oui, j'ai bien l'impression, en tous les cas, que ces propos n'ont pas vraiment fait l'unanimité, ou plutôt si, en fait, puisqu'il y a plutôt une dénonciation unanime des propos de Wallet, comme le rapportait Le Soleil, là, qui a titré avec cette dénonciation unanime, donc hier. Rare unanimité, je crois. Oui, rare unanimité, effectivement. Donc, effectivement, ouais, la semaine dernière, on avait déjà un petit peu parlé de la campagne Québec Vie. On avait mis ça en relation avec la revue Égard, donc pour montrer que c'était un courant politique un peu plus profond que juste un activisme pro-vie. Ouais, on avait appuyé sur le fait que c'est des extrémistes, et puis il voulait être sûr qu'on ait bien compris. Alors. Voilà, effectivement. Donc là, Marc Ouellet a décidé de nous donner raison. Il a dû écouter l'émission, puis s'est dit, oh bon, bah, s'ils ont volé le punch, on va juste confirmer ce qu'ils ont raconté, finalement. Donc, effectivement, la semaine dernière, on avait parlé un petit peu des différents courants de conservatisme. On avait évoqué le néoconservatisme notamment. Et ben là, c'est pas tout à fait le cas. En fait, il s'agit bel et bien d'un paléoconservatisme. On pourrait bien appeler ça comme ça. Donc, qu'est-ce qu'a dit Monsieur Wallet? Donc, on va commencer par le citer pour bien pouvoir juger de ses propos après. Donc, lui a déclaré que prendre la vie de quelqu'un qui est innocent, c'est toujours un crime moralement. Cette créature-là, le fœtus humain, donc l'enfant à naître, n'est pas responsable. Ce qui lui arrive, c'est l'agresseur qui est responsable. Il y a déjà une victime. Est-ce qu'il faut en faire une autre? Et ensuite, il a demandé donc le cardinal. Précisément des cas de viol. Exactement. Donc juste après, il a demandé pourquoi, donc à propos du viol, pourquoi pousser une femme victime d'un crime à en commettre un à son tour, a demandé l'archevêque de Québec, qui est aussi primat de l'Église. Donc effectivement, les femmes qui se feraient avorter à la suite d'un viol commettraient un crime, selon Marc Ouellet. Donc ensuite, il s'est un petit peu rétracté en disant qu'il cherchait absolument pas à les condamner moralement, etc., etc. Et ben c'est bizarre, mais la plupart des gens ont compris exactement ce que nous avons compris aussi, que c'était bel et bien une condamnation morale. Donc effectivement, dans la classe politique, ça a été vraiment une dénonciation unanime. Donc on peut rapidement citer par exemple Pauline Marois, qui était complètement outrée donc par les propos de Monsieur Wallet. On peut également parler de Raymond Gravel aussi, donc c'est pareil, un député du PQ, catholique celui-ci, et puis donc qui disait que... C'est un prêtre en fait. Ouais. Oui, un prêtre effectivement, voilà. Donc il dit qu'il trouve que cela déplorable qu'un homme qui est cardinal, qui est archevêque de Québec, tienne des propos comme cela. C'est comme si les femmes n'étaient rien. De son côté, Pauline Marois dit qu'elle est complètement outrée de ces déclarations. Ce sont des luttes qui ont été faites depuis 40 ans, des droits qu'ont obtenus les femmes, et je crois que ce serait un recul inacceptable dans nos sociétés que de recriminaliser l'avortement. Donc c'est pas mal. Christine Saint-Pierre aussi n'y est pas allée de main morte. Par exemple, la position de l'Église sur l'avortement était déjà connue, mais ajouter que les victimes de viol commettent un crime en mettant un terme à leur grossesse a mis le feu aux poudres, estime la ministre. Donc vous avez entendu ces histoires vraies qui se faisaient dans des fonds de cour avec des broches à tricoter, des cintres, rappelle Madame Saint-Pierre. Il faut absolument se battre contre ces idées rétrogrades. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est la ministre. Elle a même dit, elle a même déclaré dans le Journal de Québec, en parlant au Monseigneur, qu'il ferait mieux de s'occuper des cas de pédophilie dans son église s'il s'intéressait à des victimes. Exactement, en fait. D'ailleurs, ça aussi, c'était les propos d'Amir Kadir. La ministre libérale, là. Oui, c'est ça. Et donc c'était même les propos d'Amir Kadir qui disait « Entendre ce monsieur sans vergogne, dire de manière éhontée qu'il ne faut pas faire d'autres victimes et que l'Église pourrait s'en occuper quand on sait ce que l'Église a fait avec des orphelins abusés et violés », évoque le député de Mercier. Monseigneur devrait donc rentrer dans ses quartiers et offrir sa retraite au bon peuple. Donc effectivement, ça, la liste pourrait être longue. Il y a aussi la porte-parole de l'opposition donc officielle en matière de conditions féminines, Carole Poirier, donc pour le PQ, qui juge inacceptables les affirmations du prélat et qui a même l'intention, avec QS aussi, je ne sais pas trop lequel va le faire, là, de déposer une motion au Parlement pour bel et bien appuyé donc le droit à l'avortement pour les femmes. Donc ça, il faut savoir qu'ils avaient essayé de déposer une motion qui condamnait le non-financement d'Ottawa des initiatives internationales dans le cadre du G8, mais qu'elle n'avait pas obtenu l'unanimité parce que bon, il y avait un peu trop de partisanerie dedans. Alors, peut-être que cette fois-ci, ils vont réussir, on ne sait pas. Oui, effectivement, ça peut être intéressant. Et justement, c'est un petit peu ça mon propos aussi, c'est que effectivement, dans la presse, on retrouve une grande unanimité contre les propos de Ouellet, mais il y en a très peu en fait qui ont remis tout ça dans un contexte un petit peu plus général. Donc quelques-uns. Par exemple, la directrice de la Fédération des femmes, la présidente de la Fédération des femmes du Québec, Alexa Conradi, qui a dit « Il faut bien comprendre les propos du cardinal Ouellet dans un contexte de la montée de la droite religieuse au Canada, qui cherche à faire reculer le droit des femmes en matière d'avortement. La droite religieuse est complètement déconnectée de la réalité des femmes. » Donc effectivement, il y avait peu de gens qui ont remis ça en contexte, d'autant plus que Ouellet, jeudi dernier, il avait également participé à la manifestation des Pro-Vie à Ottawa, qui a réuni entre 5 et 15 000 personnes, donc jeudi dernier. Puis qui s'est, donc Ouellet, qui s'était à l'occasion félicité de la ligne du gouvernement Harper de ne pas financer. Ah, il a trouvé le moyen d'avoir une dénonciation du Centre Justice et Foi, une organisation liée aux Jésuites, faut le faire. Mais... Ouais, c'est pas mal. Ouais, non, il a quand même accumulé pas mal de gens contre lui, finalement. Donc Ouellet, il avait la semaine dernière affirmé que Ottawa avait pris une bonne décision en refusant d'exporter finalement le financement de l'avortement. Et donc il y a un excellent éditorial qui est paru le 17 mai dans Le Devoir de Manon Cornelier qui, elle, remet tout ça en contexte justement et qui nous explique un petit peu ce que ça signifie la montée de la droite religieuse. Donc elle cite par exemple Janet Morana de Silent No More, une autre organisation pro-vie au Canada anglais, qui ne s'est absolument pas gênée donc à l'occasion de la manifestation des pro-vie à Ottawa et qui a dit « Nous sommes très contents que le Canada adopte une position pro-vie qu'il n'exporte pas à l'étranger de l'argent pour les avortements. » Donc effectivement, il y a des gens qui trouvent que le Canada ont une position pro-vie, tu vois, on n'est pas les seuls, même les pro-vie le trouvent. Il y a également le cas de Rod Brunouge, ou Brunougi, peut-être comment on prononce son nom. Donc lui a déclaré « Pour le mouvement pro-vie au Canada, il est toujours important d'y aller par petites étapes. » Donc des petites étapes pour faire reconnaître la valeur des enfants non encore nés. Je suis persuadé que les gens comme vous appuieront ce projet de loi. Donc il avait déclaré ça à une journaliste donc qui effectivement n'a pas du tout apprécié qu'on pense qu'elle pourrait appuyer un tel projet de loi. Et ce que fait Manon Cornelier, c'est qu'elle rappelle aussi donc un discours de Harper qu'il avait prononcé en 2003 quand il était encore le chef de l'Alliance canadienne, donc avant d'être élu. Et il avait indiqué donc à l'occasion de cette rencontre que il est important donc de promouvoir un œcuménisme entre les conservateurs sociaux et économiques, tout en gardant le cap sur les questions économiques. Nous devons accorder une plus grande place aux valeurs et au conservatisme social, largement défini et correctement compris. Et d'ailleurs, tu vois, il a bien respecté son conseil, puisqu'il y va toujours par petites étapes. Donc officiellement, on ne remet pas en cause le droit à l'avortement, mais par contre, on le fait dans les faits en coupant le financement à l'extérieur du Canada. Donc il choisit bien ses batailles, disons, pour avancer à petits pas, effectivement. Et puis, on peut quand même signaler aussi que dans son cabinet, eh ben, il a fait une belle place à l'aile la plus conservatrice des born again, en fait, on peut dire ça comme ça. Donc on y retrouve par exemple deux anciens activistes du mouvement évangélique, Darrell Reid et Paul Wilson. Maintenant chef de cabinet adjoint, Monsieur Reid a longtemps dirigé Focus on the Family et a, selon le Toronto Star, déjà pris position contre les droits des gays et, je cite, la culture d'accès sans contrainte à l'avortement. Il y a aussi le directeur des politiques pour Monsieur Harper, qui est Monsieur Wilson, qui a dirigé le Laurentian Leadership Conference, une branche de la Trinity Western University, une institution confessionnelle de la Colombie-Britannique. Donc c'est assez bien de rappeler un petit peu tout ce genre de dérive du gouvernement Harper. Et la journaliste donc Manon Cornelier parle également d'un livre qui a été publié par une autre journaliste qui s'appelle Marcy MacDonald, qui a souvent commenté les entrées de la droite religieuse à Ottawa. Et elle vient de lancer un livre sur le sujet, donc si ça vous intéresse, un livre intéressant, je pense, « The Armageddon Factor », donc le facteur Armageddon, deux points, « The Rise of Christian Nationalism in Canada », donc la montée du nationalisme chrétien au Canada. Donc un ouvrage de Marcy MacDonald que je vais sûrement m'empresser de lire, puis je vous en parlerai à la rentrée. Effectivement, ça a l'air très intéressant. C'est un sujet qui aurait bien touché Adrien Arquin. Ouais. Je sais pas s'il était chrétien. En tous les cas, on se souviendra. Il était catholique, très pratiquant. Ouais, très antisémite, très anti-judaïque aussi, oui. Effectivement. Donc, c'est bien de parler un petit peu de cette montée de la droite religieuse. Et puis, il faut pas oublier aussi que c'est quand même dans un flou religieux politique que le Canada s'est investi en Afghanistan, qu'il a participé ou en tous les cas cautionné la guerre en Irak, qui soutient de manière inconditionnelle aussi l'État d'Israël, etc. C'est toujours sur ces bases un petit peu religieuses. Et puis, on voit bien aussi où nous emmène cette nouvelle définition des droits des fœtus. Toujours essayer de prendre tous les biais, donc par les droits des fœtus, ou culpabiliser les femmes qui seraient toxicomanes et qui auraient un enfant. Donc il y a certaines femmes qui ont été condamnées aux États-Unis pour avoir poussé de la drogue à des mineurs. Donc finalement, toutes les angles d'attaque un petit peu de ce mouvement pro-vie pour remettre en cause, toujours questionner, remettre à l'ordre du jour le droit à l'avortement. Donc on voit que effectivement c'est bien ça leur agenda. Et effectivement, ça a provoqué une réaction unanime contestataire contre les propos de Ouellet, dont on ne peut que se féliciter. Mais il faudrait effectivement la remettre dans un cadre un petit peu plus général et voir que quand on parle de laïcité, bah, il n'y a pas forcément que l'égalité homme-femme qui est menacée, mais aussi, par exemple, les relations entre les nations à ce titre. Mais ça ne peut pas avoir un effet pervers dans la mesure où, il y a un tollé de protestation et tout. Mm-hmm. Mais en même temps, il y a la question de à qui s'adresse aussi, qui a été posée à quelques reprises. Mm-hmm. Puis bon, c'est sûr que socialement, probablement qu'il a pas fait qu'il a pas bougé d'un pouce, là. Mais en même temps, est-ce que c'est pas une façon pour lui de mobiliser ses troupes et de les envoyer vers, de leur donner, en fait, l'énergie ou le coup de fouet nécessaire pour les mettre en mouvement, finalement, en disant voilà un homme d'église qui, se positionne clairement et tout, puis peut-être que ça va lui amener de l'eau au moulin, peut-être pas aussi, mais je sais pas, c'est une hypothèse. Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Oui, c'est bien possible. Bah, surtout, en fait, dès qu'on parle de mouvements religieux qui rentrent dans la sphère politique, il y a tout de suite la dimension du martyr qui est présente, puis c'était notamment des choses qui étaient évoquées à l'intérieur de la conférence Pro-Vie, Campagne Québec-Vie, que le cardinal Ouellet, grosso modo, c'était un homme fort, il avait des couilles, bon, il s'en sert pas, mais ça c'est un autre problème, mais que effectivement, en fait, donc théoriquement, c'était... il s'en sert pas. Voilà, c'est ça. Donc c'était, voilà, on va pas parler de tous ces enfants de messe, mais donc effectivement, c'est un homme qui est très courageux, qui met le poing sur la table, qui réaffirme les valeurs de la droite chrétienne, etc., etc. Mais donc il y a toujours cette dimension, ouais, du martyr, de on va te taper dessus, puis on sait que c'est ça qui va se passer. Donc effectivement, c'est un petit peu toujours quelque chose qui cherche aussi une façon d'aller faire du prosélytisme, de se faire taper dessus par les autres, de jouer un petit peu ce rôle de on est en démocratie, mais moi, comme par hasard, je peux pas dire ce que je veux. Donc il y a toujours un petit peu cette dimension, je pense, qui est même un peu propre à tous les mouvements politiques dans la marge, de façon générale aussi. J'aurais bien aimé vous parler de ce qui s'est dit à l'intérieur, parce que comme tu disais tantôt, on avait des petites souris qui étaient à l'intérieur donc de cette réunion de Campagne Québec-Vie. Donc on va prendre peut-être quelques minutes de notre temps pour raconter un petit peu tout ce dont on a parlé dans la Campagne Québec-Vie. Parce que tu vas voir qu'il y a pas mal de propos qui ont été tenus, et c'est pas juste les propos du cardinal Ouellet qui peuvent nous faire dresser les cheveux sur la tête. Il y a pas mal d'autres choses qui ont été évoquées. Donc je commencerai par les différents intervenants. Donc le premier, c'était monsieur de Salza, qui travaille pour Human Life International, donc tu vois, un mouvement pro-vie qui a des branches dans une centaine de pays, donc pour en montrer à quel point ils sont quand même présents mondialement. Donc lui, il a beaucoup dénoncé, ça aussi c'est un argument pro-vie qui revient très souvent, l'avortement par naissance partielle. En fait, le terme médical, c'est dilatation et extraction. Donc c'est une technique qui se fait vraiment dans les cas de dernière mesure, qui a été inventée dans les années 70, dans le cas où la femme est mise en danger en fait par la grossesse, ou que l'enfant est malade. Donc c'est une technique d'opération, d'avortement, qui se passe juste dans le dernier trimestre, en fait, d'une grossesse éventuelle. Donc dans ce cas-là, il y a extraction du fœtus en entier, et puis, grosso modo, on lui coupe la colonne vertébrale. Donc c'est une technique qui est employée de façon rarissime, juste dans des cas extrêmement urgents, qui est bien encadrée, et c'est un peu le fer de lance de la technique pro-vie, ils ont rebaptisé cette technique avortement par naissance partielle, parce que le fœtus serait vivant, est vivant encore au début donc de cette dilatation et extraction. Et donc c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup manipulé. Par exemple, au Nebraska, on a vu des gens interdire cette pratique, ou même ça a été proposé au niveau fédéral à Washington, comme une sorte de porte d'entrée pour remettre en cause en fait toutes les techniques d'avortement. Effectivement. Donc il y avait l'avortement tardif. Ouais, l'avortement tardif, puis à partir de quand il est tardif, puis tout de suite c'est les mêmes directions. On voit bien qu'en fait c'est une petite faille, une petite brèche par laquelle ils s'immiscent. Et hop, dès qu'on arrive à condamner une critique d'avortement, une technique d'avortement, on essaie de le généraliser aux autres. Donc quand on vient puis qu'on dit mais l'avortement c'est une méthode de contraception, c'est pas correct. Effectivement, donc il y en a trop. Comment ? Il y en a trop. Ouais, il y en a trop. Ouais, c'est ça. Effectivement. Ça en avait moins, ça me dérangerait moins. Il y en a trop. D'ailleurs, il y a plein de statistiques qui montrent que dans les pays où l'avortement est légal, il y a très peu de différence en termes de pourcentage entre de femmes qui avortent dans les pays où c'est pas légal. Donc finalement, la question c'est pas de savoir si telle ou telle technique elle est morale ou pas morale, c'est de savoir que qu'est-ce qu'on fait finalement. Est-ce qu'on laisse des femmes crever avec des cintres dans l'utérus, ou est-ce qu'on va promouvoir des techniques qui sont plus saines pour pouvoir avorter dans un environnement minimalement contrôlé. Effectivement, ouais, ouais. Donc Monsieur de Salza, lui, nous parlait aussi du crépuscule de la civilisation chrétienne, et il disait qu'il s'impliquait activement dans une contre-révolution catholique, et que sinon, eh bien, nous allons finir par payer des impôts aux musulmans. Donc il faut absolument redécouvrir la foi chrétienne pour faire face à l'islam, au sécularisme. Donc on voit pas mal de... Lui, il est américain, donc on voit aussi cette branche un peu hein, néoconservatrice qui alimente beaucoup les born again, les mouvements évangélistes, et puis donc toujours ces propos islamophobes un peu latents là, qui servent à l'argumentation. Donc il disait par exemple, Monsieur de Salza, que nous sommes pas, donc en parlant des pro-vie, nous ne sommes pas des civils mais des militaires. Donc ça aussi, ça rappelle un peu l'argumentation néoconservatrice. C'est un homme d'église, ça. Non, c'est un homme qui est engagé dans les mouvements pro-vie. Donc c'est moi je trouve ça assez drôle en fait. Hein. Il y a beaucoup de condensés de tout un tas d'idéologies néocones. Ouais, mais c'est sûr, remarque qu'il y en a plusieurs qui se présentent avec des armes à la sortie des cliniques. Fait que de fait, effectivement, C'est des militaires, ouais, effectivement. D'ailleurs, il rappelait le cas par exemple à Brooklyn, où il y avait une vingtaine de cliniques pour faire des interruptions volontaires de grossesse. Et grâce à un militantisme actif, donc là, il n'a pas cité les méthodes qui étaient employées, pourtant, ça vaudrait la peine d'y revenir, beaucoup d'intimidation, beaucoup d'effroi psychologique, une véritable guerre psychologique pour les femmes qui venaient de se faire avorter. Et donc, il s'est félicité du fait que dans Brooklyn, maintenant, il ne reste plus que deux cliniques pour permettre l'avortement, donc dans des conditions sécuritaires, comme tu le rappelais tantôt. Où il parlait également du Nebraska, où tous les prêtres, finalement... se sont unis pour refuser la communion dans les églises le dimanche à tous les politiciens qui avaient des positions pro-choix, ou même qui, selon lui, donc, qui n'avaient pas des propositions pro-vie, des positions pro-vie. Donc, ouais, bon. on voit le genre de techniques qui sont... On dérape, là. Oui, ouais, effectivement. Mais c'est assez intéressant de voir un petit peu tout leur discours. Monsieur de Salza, donc, pour continuer... Déjà, si les politiciens étaient athées, ils se protégeraient. C'est-à-dire? Ben, si les politiciens étaient athées, ben, on pourrait pas les menacer de pas leur donner la communion. Et tu te fais des idées aux États-Unis avant qu'un athée soit élu, il va avoir un gay, une femme et un noir. Ah, mais là, le noir, c'est fait. Ben, la femme aussi. Mais c'est vrai que ça leur apprendra aussi à jouer sur la corde religieuse pour aller chercher des votes. T'as pas tout à fait raison, pas tout à fait tort. Un petit cue. Quelqu'un nous a dit aussi qu'à l'intérieur donc de la conférence pro-vie qui s'est tenue à Québec, il y avait également la directrice du centre Naître ou ne pas naître. Donc ça, c'est un organisme qui offre à Québec des services d'information pour les femmes qui sont en situation de grossesse, enceinte, et donc qui vise à les conseiller. Donc c'est plutôt intéressant. Julie en avait parlé ici. Systématiquement, ce qu'ils te proposent, c'est tout sauf l'avortement. Effectivement. Puis là, on comprend bien pourquoi, puisqu'elle s'en vient à une réunion pro-vie. Donc ça vaudrait la peine sûrement de revenir sur ce service d'aide ou ce mouvement pseudo-communautaire. Là, ça serait intéressant. Il y avait également dans les intervenants qui sont venus à la conférence donc des pro-vie, Luc Faneuf. Luc Faneuf, c'est un blogueur qui blogue sur En ligne toi. Donc, En ligne toi, c'est un site internet très intégriste, disons pas mal. Et lui, donc, il est professeur d'ECR pour le collège de filles Villa Maria à Montréal. Et donc, ECR étant le cours d'éthique et de culture religieuse. Ça, avant, il était professeur de religion directement. Et donc, maintenant, ces cours-là donc, ont été abandonnés au profit de l'ECR. Et donc, lui, il s'est recyclé. Et ce qui était assez intéressant avec la prise de parole de Luc Faneuf, donc, qui est professeur au collège Villa Maria à Montréal, c'est que lui, il a demandé Il a vérifié en fait s'il y a des fonctionnaires du ministère de l'Éducation dans la salle. Une fois qu'il s'est assuré qu'il y avait personne, et ben là il a avoué en fait qu'il faisait du prosélytisme qui visait à inculquer la foi à ses étudiants, qui voulait montrer la supériorité morale du catholicisme à ses étudiants, qui revendique le droit de prendre position, hein, ce qui est tout à fait illégal selon les directives du ministère de l'Éducation. C'est intéressant de le souligner. Qu'il avait pour objectif d'ouvrir une brèche contre la fermeture à la transcendance. Qui voulait convaincre de l'existence du surnaturel ses étudiants. Donc pour les convaincre, moi j'ai trouvé cette anecdote donc qui nous a été rapportée assez intéressante, c'est que pour convaincre de l'existence du surnaturel, donc de Dieu, il amenait comme preuve matérielle concrète les apparitions de la Vierge Marie qui prouvent que le catholicisme est dans le vrai. Mais on n'a pas encore trouvé les... Enfin bon, bref, dans la rubrique tautologique, je pense qu'on vient d'en trouver un joyeux luron. Et puis, il gardait un petit punch pour la fin de son cours d'éducation et culture religieuse. Donc quelque chose, une question qu'il posait à ses étudiantes au dernier cours, qui visait donc... la question, c'était « Qui aurait voulu que sa mère avorte ?» Alors effectivement, qu'un prof te demande ça, bon, moi personnellement je trouve ça vraiment dégueulasse comme question, le poser ça à des jeunes, etc., qui sont pas forcément outillés pour ça. Quand toi tu sais que t'as préparé ta question depuis longtemps, là je trouve ça très pervers. C'est au secondaire, ça. Le cours, ouais, je crois que c'est auto-secondaire. Ouais, c'est le genre de réponse que j'aurais dit, c'est... Ça a vraiment été automatique. Ouais, effectivement. Ouais. Par exemple, mon colloque, moi, c'est ce qu'il m'a dit. Bah, pour Adolf Hitler, je pense qu'il y aurait un consensus assez large pour dire que sa mère aurait peut-être pu avorter. Personne n'aurait été très dérangé. Effectivement. Mais moi, je le dis en onde et j'en suis très content. Maman, je suis très content que tu aies eu le choix d'avorter et que tu ne l'aies pas fait et que tu aies eu un enfant que tu aies désiré. Parce que je crois que c'est bel et bien ça la question. C'est pas de savoir si moi j'aurais voulu que ma mère avorte, mais c'est de savoir si moi j'aurais voulu qu'elle ait le choix. Et j'en suis très très content et très très fier. Merci, maman. Et un petit mot encore, parce que franchement, toutes les petites anecdotes qu'on nous a rapportées, ça nous montre bien aussi l'espèce de freak show de catho intégriste, à quoi ça ressemblait là. Dans les couloirs, il paraît qu'on entendait des conversations pour dire par exemple que des gens priaient Notre-Dame de Sion en espérant un petit peu pouvoir convertir les juifs au catholicisme. On voyait des gens lever le poing pour poser des questions parce qu'ils voulaient être touchés par la grâce de Dieu, tu vois, quand ils prenaient la parole dans cette assemblée catholique. Le cas de Brigitte Bédard, qui est une ancienne féministe radicale, donc elle était outrée. Elle dit que c'est toutes les universités où elle a été, elles étaient infestées de lesbianisme et d'homosexualisme, et que finalement, après 10 ans d'athéisme et de lesbianisme, elle était complètement détruite psychologiquement, et que elle était outrée véritablement de se faire traiter d'hétérosexiste à chaque fois qu'elle dit que l'homosexualité c'est la norme et que c'est ça qui est bien. Donc elle voulait pouvoir dire ça sans qu'on la traite d'hétérosexiste. Et ben malheureusement pour elle, c'est exactement la définition de l'hétérosexisme. Donc oui, nous pouvons le dire sans conteste, Madame Brigitte Bédard est bien hétérosexiste. Elle a cherché une place où l'être sans se faire dénoncer, elle l'a trouvée. Voilà, c'est ça. Ben malheureusement, effectivement, il semble que les petites souris nous aient bien aidé dans ce cas-là. Donc c'est assez intéressant hein, quand même de voir un petit peu toutes les idées qui sont mises de l'avant, toutes les techniques, toute la propagande aussi qui est faite pour réseauter, pour mettre de l'avant donc le militantisme chrétien qui est vraiment très très fort, et puis de voir aussi la répercussion politique qu'il a dans par exemple auprès du gouvernement Harper, donc comme on l'a mentionné tantôt, la droite religieuse, parce que je crois que c'est véritablement une question politique très intéressante derrière la prise de position de Ouellette, et ça il y a peu de journaux qui l'ont commenté. Tu voulais pas nous parler aussi de montée de la droite? Montée de la droite religieuse, bah c'est un petit peu ça dont j'ai parlé tantôt en parlant des mouvements évangélistes, leur importance. Juste pour finir, est-ce que nos sources nous indiquent de quoi ça a l'air, un congrès pro-vie? Parce que là, on voit qu'il y a des gens là, qui interviennent, qui disent des grossièretés, mais c'est quoi? C'est des gens bien respectables, c'est des paumés, c'est... On sait pas. Non, c'est ça, on sait pas. Moi, j'ai pas eu vraiment eu de commentaires là-dessus. Je peux pas vraiment te dire. Ben, déjà, pour mai, au début, le billet était quand même au-dessus de 80$. Non, mais finalement, ils l'ont mis gratuit. Mais en même temps, j'imagine que ça a pas été une raison suffisante pour faire venir pas mal de nos amis punk et punkettes, là. Donc, ce serait assez intéressant, peut-être, de regarder le profil socio-économique, effectivement, des pro-vie en général. Je pense qu'on va avoir un petit peu la réponse. En tout cas, moi, je te parie qu'ils sont tous chrétiens. Oui, probablement. Et est-ce que ça faisait le tour de... Ça faisait le tour de ce qu'on avait à dire là-dessus. Alors, on va à la musique et au retour, on va revenir avec le manif du GLBT si toutefois la technologie nous a suivi. Ça marche, c'est bon. Ça va pas sonner super bien, mais ça fonctionne. Alors on va y aller avec Webster, avec des armes ou des vivres. C'est un peu ce que ça m'inspirait, tout ça. Qu'on aime, eh ouais. Des armes ou des vifs, des gangsters, des soldats, des femmes, des putes, donc des larmes ou des rires, yeah. Des blagues sans vie, des crackmen, des victimes, des mères seules, cinq gosses, des alcooliques de père, des vivants, des cachés, des gens qui se couchent vite, rien savoir pour mes vifs, donc des gens qui se perdent vite, les autres qui partent vite, des bains de sang, des gros sous, nique la sagesse, personne veut prendre de gros coups, la rebellion se traîne, mon histoire gêne, alors on modifie les choses, on modifie nos chaînes, va voir, vérifie, le monde un livre ouvert, dans la Bible on apprend à lire, le sol, l'univers, laisse tomber la masse. Ils cherchent l'individu, ils cherchent à reconstruire ce qui reste qu'on a perdu. Les guns parlent, parce que les gars ont plus de mots. Et quand le crack aura des yeux, tu sauras de quoi je te parle, gros. Tu parles alors qu'il est, le monde est dingue, la raison suffoque. Regarde, ça s'entraîne dans tous les blocs. Des vies, des livres, des écus, du foot, des vêtements à toi, le droit de vie avant qu'on prenne par les armes. Leur bureaucratie grimpe, notre bourreau puisse s'éteindre, parmi les villes et les campagnes. Et pour ça, ça prend des vies. On le fait, c'est qu'ils spirit, parce qu'au moment d'expirer, qu'ils soient phares, avec une arme qui se dérive. On veut des armes ou des vies, vaincre les armes, c'est divise. Et que les drames nous divisent dans le crâne de nos ennemis. Dans ce set, c'est pour une question de territoire. Mais tout n'est pas si simple, d'espoir pour le territoire. Ce web, elle est casse-neck. Révolution qui fait correct dans une case maxique. Qu'on devient asthmatique par le manque d'air. D'année des politiques et tracks de parlementaires. Nix, casse qu'on met en tombe. Cet monde, il y a trop d'agents corrupteurs. Ce nouvel ordre mondial nous saoule ad nauseam. Troisième millénium, change, vois qu'on est l'hélium. Change aussi souvent d'allégeance que petit Elian. Gonzalez, j'attends la révolution. Marche avec mes gars. On est comme les ombres de la dette. C'est terrorisme prêt pour le monde qui stagne. C'est signe Mr. Web qui est le vieux de la montagne. Des armes, tu parles alors qu'il est, le monde est dingue. La raison suffoque, regarde, ça s'entraîne dans tous les blocs. Des vies, des livres, des écus, du foot, des vêtements à toi, le droit de vie avant qu'on le prenne par les armes. Leur bureaucratie grave, notre bourreau puisse s'étendre parmi les villes et les campagnes. Et pour ça, ça prend des vies. On le fait, c'est qu'il spirit. Parce qu'au moment d'expirer, qu'il soit phare avec une arme. Yo, yo, des armes ou des vies, faut garder l'équilibre. Mais crois-moi, on va toujours rester debout pour le people comme avec un million de cousins sur le mode survival. Toi, savoir qu'ils ont ton back, c'est-tu combien ça vaut? Un point d'interrogation courbé comme le doigt sur la gâchette. En 2001, dans le black de sa face cachée. Nos parents nous tenaient à ce qu'on termine nos épinards. Mais est-ce que faire du bal de gun aurait pu nous rendre aussi fort? Il faut être libre physically si on veut l'être mentally. T'essayes de vivre en paix ici, mais ton état d'esprit très lié aux places où ça chauffe. Tous les quartiers au bord de meurtre. Au Cambodge, au Nairobi, à Johannesburg. Des kids avec des weapons sur eux qui font deux fois leur poids. Et qui ont besoin de marcher des kilomètres pour trouver un pas. Ici, on cherche comment réagir. Au pire, j'serai ton bras droit. T'es genoux quand t'es fatigué, le gardien de mon brother. On veut des armes, tu parles alors qu'il est, le monde est dingue. La raison suffoque, regarde, ça s'entraîne dans tous les blocs. Des vies, des livres, des écus, du foot, des vêtements à toi, le droit de vie avant qu'on le prenne par les armes. Leur bureaucratie grave, notre bourreau puisse s'étendre parmi les villes et les campagnes. Et pour ça, ça prend des vies. On le fait, c'est qu'il spirit. Parce qu'au moment d'expirer, qu'il soit phare avec une arme qui est stérile. Alors, toujours sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec, lundi le 17 mai, c'était la journée internationale contre l'homophobie. C'est une nouvelle journée qui est célébrée, où en fait, bon, il y a des batailles un peu partout dans le monde à ce moment-là. Et ça a été l'occasion encore une fois au Québec avec la Fondation Émergence et d'autres organisations, Conseil des gays lesbiennes, ce genre de trucs-là, de faire une campagne de sensibilisation à la grandeur de la province. Et ça a été aussi l'occasion de remarquer qu'il y a encore du chemin à faire. Entre autres, on apprenait dans Le Soleil vendredi dernier que Vidéotron avait fait enlever des affiches contre l'homophobie dans ses bureaux de Québec. Selon ce que le syndicat a dit aux journalistes, les gestionnaires ont justifié leur décision par la réception de 3 plaintes d'employés qui n'auraient pas apprécié voir ces affiches qui annonçaient la Journée internationale contre l'homophobie, donc du 17 mai. On soulevait avec raison dans Le Soleil que le geste est déplorable et que ça démontre tout le chemin qui reste à faire pour sensibiliser à la question de l'homophobie en milieu de travail. Effectivement, ça fait un peu l'effet d'une douche froide. Et là-dessus, il faut souligner là, le geste du syndicat canadien la fonction publique là, qui est une espèce de qui est quand même un syndicat réputé pour être un syndicat de gros bras là, c'est ouais, c'est une grosse ben c'est une grosse centrale active. Ouais, ouais, c'est ça là, c'est l'école bleue, c'est dans le cas Vidéotron, c'est les techniciens. Bon, c'est ça. Bref, c'est 100 000 syndiqués, puis eux ils ont pleinement adhéré à cette campagne là contre l'homophobie, puis ils ont quand même fait poser des affiches en milieu de travail là, c'est pas rien là, sur les babillards syndicaux. Puis ce qui m'amène à mon deuxième point, bon, dans le soleil, on n'en a pas parlé dans les médias, mais selon l'article, les affiches étaient posées sur les panneaux d'affichage du syndicat. Puis là, on peut se demander comment ça se fait que des patrons là, se mêlent de ce qu'il y a sur les panneaux d'affichage du syndicat. Depuis quand on les laisse retirer une affiche qui est posée par le syndicat sur le panneau du syndicat sur laquelle il y a le logo du syndicat? En tout cas, tu sais, il y a quelque chose là, là. Faut voir, là, est-ce que c'est un droit, ce panneau-là? Est-ce que c'est conventionné? Ou est-ce que c'est au bon vouloir des patrons? Est-ce que c'est les patrons qui nous font une fleur en disant au syndicat, vous avez le droit d'afficher et tout et tout? Bref. Il était pas content, puis on s'entend dessus là que ça met pas la table pour des super bonnes conditions de travail là, si les campagnes de sensibilisation se font arracher suite à des plaintes là vraiment minoritaires. Puis ben là-dessus, il y a eu quand même un peu de mouvement sur cette question-là. Le syndicat a chialé, d'autres gens chialaient, ça se ramassait dans les journaux. Puis il y a même un groupe Facebook qui s'est créé là, sur lequel il y avait la dernière fois que j'ai checké, quelques 460 membres. Donc on voit que c'est pas nécessairement les causes qui mobilisent le plus largement dans la vie. Ceci dit, il y avait aussi samedi dernier, le 15 mai, en même temps là, que les fous de Dieu se réunissaient à l'hôtel Château-Laurier, il y avait une manifestation du GLBT Québec lutte à l'homophobie sur la question de l'homophobie dans le sport, donc avec le principe de briser le silence. Alors nous autres, on était là par solidarité et pour clamer notre refus de l'oppression patriarcale et machiste. Puis ben, d'ailleurs, la marche est passée là, à deux pas de l'hôtel Château-Laurier, où avait lieu au même moment, bon, justement, le congrès de campagne Québec Vie. Et voilà, pour l'occasion, ben, il y a un membre du collectif qui a récité des extraits de la Charte des droits là, à la demande du GLBT. C'est sûr que bon, on était loin de l'insurrection, mais quand même, il faut admettre là, que la lutte contre l'homophobie, c'est un combat dont la pertinence est toujours au goût du jour. Puis ben, il faut jamais baisser la garde sur ces questions-là. Et pour vous donner un peu d'ambiance et aussi juste pour leur laisser la parole finalement, il y a François qui nous a ramené un vox pop de cette manifestation. Alors on est le 15 mai, donc juste avant le départ de la marche GLBT, gay, lesbien, bisexuel, trans, et on est prêt à aller marcher. Aujourd'hui, le thème c'est l'homophobie dans le sport, donc la lutte contre l'homophobie dans le sport. Et puis là, on va se promener sur la Grande Allée. On part, on est en face actuellement du Parlement. Et puis, c'est ça, on va partir bientôt. On va aller marcher sur la Grande Allée. Je suis en compagnie de Olivier Poulin pour la marche GLBT. Bonjour, M. Poulin. Bonjour. Donc, pourquoi la marche? Alors lundi, le 17 mai, ce sera la journée internationale contre l'homophobie. Et on a décidé que c'était le samedi 15 mai aujourd'hui qu'on célébrait cette journée à Québec. C'est une tradition c'est la troisième édition en fait qu'on fait une marche, tous les organismes communautaires à Québec ensemble. Et puis, ben, on veut occuper l'espace public et médiatique et revendiquer l'égalité tout simplement. Cette année, le thème, c'est le sport. Alors la marche va se terminer. Là, on part de l'Assemblée nationale, on marche au Grand Allée et on arrive sur les plaines et on fait du sport. Tu vois pourquoi t'es ici aujourd'hui? Ah, ben parce que je trouve que c'est important de venir participer à une marche comme ça, là, de montrer finalement qu'on n'a pas honte d'être ce qu'on est, puis que finalement, c'est quand même, somme toute, banal d'être homosexuel. Puis je pense que ça vaut juste la peine de sortir et d'avoir une visibilité aussi, là. Parce que comme c'est pas écrit dans notre front, finalement, si on sort pas dans la rue pour faire une marche à ce propos-là, ben les gens ne savent pas nécessairement qu'on est gay ou lesbienne ou bisexuel. Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Considérant que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son épanouissement. Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi. C'est la marche. Est-ce que vous-même, est-ce que vous êtes des lesbiennes? Bi. Ouais. Côté? Lesbienne. Moi, bisexuelle. Bisexuelle, lesbienne. Est-ce que vous êtes fière d'être bi, lesbienne? Ben, ouais, là. Ouais. Et pourquoi est-ce que c'est important pour vous de participer à la marche? Ben, parce que, je sais pas, ça... Tu sais, on est de même, puis on veut montrer qu'on peut être bien, puis... c'est qu'on s'affirme, puis que, ben, c'est ça. Est-ce que vous êtes des sportifs, là? Ouais, moi, oui. Quel sport que tu pratiques? Rugby, puis ça. Est-ce que tu as constaté ta discrimination? Ben, non, pas vraiment, là. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y en a tout le temps des fois un peu, là, mais tu sais, faut pas s'attarder à ça, là. J'imagine que tu es étudiante, parce qu'à l'école, est-ce que tu peux t'affirmer comme ça, sans problème, ou est-ce que tu as des problèmes, des fois? Moi, oui, là. Tu sais, moi, j'ai une blonde, puis, ben, on s'affirme à l'école. Puis, il y a personne qui nous écœure ou n'importe quoi, là. C'est accepté. Là, ça a commencé, j'ai vu ça sur le site, là, ça a commencé en 2002 au Québec, la marche contre l'homophobie. Pourquoi exactement là, au Québec? Pourquoi cette innovation-là ici? C'est vrai que c'est une invention québécoise. En 2003, la Journée internationale de lutte contre l'homophobie a été créée au Québec. Et ensuite, c'est devenu la Journée internationale contre l'homophobie. Ça s'est mondialisé. C'est une création québécoise dont on peut être fier, c'est sûr. Ça veut dire qu'on est des précurseurs, des leaders pour ce qui est d'égalité, entre autres du côté des droits des gays et lesbiennes. Et puis, c'est une initiative qui relève beaucoup du leadership de Laurent McEachin, qui est président de la Fondation Émergence, qui supervise la journée au Québec. Mais honnêtement, pourquoi ici? C'est une bonne question. Peut-être parce qu'ici, on est plus solidaires. Donc, aucune forme de discrimination prend sa place dans le monde du sport. Être sportif, c'est plus que de se dépasser physiquement. C'est adhérer à des valeurs de justice, d'égalité, de solidarité, de respect et de dignité. C'est aussi lutter contre toute forme de discrimination, y compris celle fondée sur l'orientation sexuelle. Voilà pourquoi j'apporte mon soutien à la Journée internationale contre l'homophobie. C'est un beau chien, il y a un beau foulard. Est-ce que ton chien, il est gay lui-même? J'en ai aucune idée. Ma chienne n'a jamais connu les plaisirs de la chair. Que... Ah non? Non. C'est un péril? Non, c'est une chienne d'intérieur. Là, je ne laisse pas d'autres chiens rentrer pour... Et là, dis-moi, dans les années passées, il y a eu quand même des événements là, à saveur homophobe à Québec. Est-ce que Québec est une ville particulièrement homophobe? Non, je ne crois pas, mais à Québec, comme partout ailleurs, au quotidien, il y a des petits gestes qui font mal, des mots durs qui blessent. Mais c'est sûr qu'il y a aussi des actions plus graves. Nous, on en entend parler à l'occasion. On a déjà réagi il y a quelques années face à une attaque très violente à Place Diouville. On avait réagi du tac au tac avec un brunch contre l'homophobie pendant la fête d'arc-en-ciel. Ça avait été très réussi. On était à peu près 300. Donc, la réponse à la discrimination, c'est la solidarité, c'est l'amour. On est là pour dire ça. Ça veut qu'éteindre, là? Mais il faut s'aimer, il faut aimer son prochain dans toute sa diversité. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice en pleine égalité des droits et libertés de la personne sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, sans dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. Et là, vous allez passer aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce qu'au même moment, il y a un congrès de l'association Québec Vie, ou campagne Québec Vie. Et puis là, il y aura même le cardinal Ouellet qui va être là-dedans. Et eux, ils parlent d'homosexualisme. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que vous croyez qu'eux, ils ont fait ça le même jour pour faire une sorte de provocation ou ça n'a rien à voir? Non, je ne crois pas. C'est une coïncidence très ironique. Aujourd'hui, c'est la journée de la famille, je crois. Et lundi, c'est la journée contre l'homophobie. Nous, bon, on ne savait pas au moment de décider que c'était aujourd'hui qu'on ferait notre marche. Et on ne savait pas non plus qu'ils allaient se réunir à l'hôtel Château-Laurier. C'est vraiment le fruit du hasard, tout ça. Mais en même temps, ben, ça nous permet de faire une mise au point. Alors, au moment de commencer la marche, on va dire un mot sur la tenue de ce colloque qui, je crois, justifie le fait qu'il y ait une journée contre l'homophobie encore à Québec en 2010. Et on va symboliquement s'arrêter sur Grande Allée à la hauteur de l'hôtel Château-Laurier pour déclamer quelques articles des chartes des droits. Très bien, M. Poulin, merci beaucoup. Merci, ça a été un plaisir. J'ai mis son plus bel ami, voici Steve Foster. Bonjour tout le monde. En passant, je vous disais que je suis à Québec, donc ça fait toujours plaisir de revenir pour dans ma ville. Donc, c'est ça. Moi, je pense au niveau plus national et pan-canadien. Une journée comme aujourd'hui, l'importance, elle est immense. Depuis 4 ans, on a des conservateurs au pouvoir. Et comme je m'amuse à le dire, on oublie souvent, mais ce parti-là, ce n'est pas le Parti progressiste conservateur de Brian Mulroney, mais le réforme parti qui s'est acheté des nouveaux alliés. Tout à l'heure, Olivier parlait du courant de droite fondamentaliste religieux. Il faudrait penser qu'au Canada anglais, ce courant-là n'est pas si minoritaire que ça. Et il y a de très grandes entrées auprès des parlementaires qui sont élus actuellement. Et on le voit depuis 4 ans. Les communautés LGBT ne se font pas attaquer dans leurs droits juridiques, mais se font attaquer dans leur reconnaissance sociale. Ça a commencé dès l'entrée du gouvernement avec l'attaque aux conjoints de même sexe qui voulaient rouvrir le débat. Ils ont démis de ses fonctions le ministre qui avait osé financer un débat de Toronto. Ils sont nommés Gérard Lavillette à la tête de droit et de démocratie qui s'est positionné contre les droits des gays et en plus il est pour la peine de mort. Par ailleurs, il y a le ministre Jason Kenney qui a retiré tout le pan des droits LGBT dans les manuels donnés aux immigrants qui arrivent au Canada. Comme on le constate, il y a des atteintes constantes à notre reconnaissance sociale. Il faut peut-être rappeler à ce gouvernement qu'on contribue au développement du Canada, du Québec. On paye des impôts, on paye des taxes, on contribue au système d'éducation, on a des familles, on éduque nos enfants. Donc, on a le droit d'être traités comme des citoyens à part entière. On fait partie de ce pays-là, de cette province-ci. Donc, cette journée-là, elle est aussi pour souligner ça. Et j'espère qu'on ne devrait pas avoir à le faire à tous les années, mais avec ce gouvernement-là, on risque de se revoir l'an prochain. Et j'espère que l'an prochain, ça nous apportera encore 2-3 années supplémentaires. Donc, je vous souhaite une belle marche. Bravo! Tu connais ça, Kraspec? C'est un vieux truc de Johnny. Oui, bon, de retour à Voix de Fait, l'émission du collectif anarchiste La Nuit sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. On vient d'entendre Les Amis de ta femme qui nous jouaient Dynamite. Dynamite, ben, c'est une pièce traditionnelle qui date de la fin du 19e siècle. Puis c'est un peu un pied de nez là, pourquoi on mettait ça aujourd'hui, puisque bon, c'est une pièce qui date de l'époque de la propagande par le fait. Au moment où elle a été écrite, c'était même interdit de la publier dans les journaux ou dans des revues, cette chanson-là, parce qu'elle était trop subversive. Et puis pourquoi je le mettais, ben c'est parce que je sais pas si vous avez regardé les nouvelles, écouté la radio, ou si vous êtes demain, si vous avez lu les journaux, mais il y a eu une explosion la nuit dernière, dans la nuit de mardi à mercredi, dans une banque royale du centre-ville d'Ottawa. Et puis semble-t-il que l'explosion en question aurait été revendiquée par un groupe, le FFFC. Tous les médias disent qu'ils se qualifient d'anarchistes, sauf que bon, j'ai eu beau chercher sur le site. Oui. J'ai vu FFFC partout, c'est quoi FFFC? Ben, ils disent pas. Ils disent jamais. Les flics, ils savent pas ce que ça veut dire. La GRC a pas pris la peine de dire. Non, elle a pas pris la peine de le dire. En fait, il y a un communiqué de revendication qui a été envoyé sur le site Indymedia d'Ottawa avec une vidéo qui lit un texte. D'ailleurs, tu pourrais nous le mettre tant qu'à faire. Oh, c'est le. OK. Mais en fait, c'est un groupe donc qui les médias disent qu'ils se revendiquent, qu'ils se qualifient d'anarchistes. Dans les faits, on reconnaît bien la rhétorique, une certaine rhétorique libertaire, mais le groupe ne se revendique pas anarchiste de fait dans le texte ou sur le communiqué ou sur la vidéo. Donc ça, c'est une extrapolation des médias. Et ce qui est un peu douteux par ailleurs, c'est que on reconnaît oui la rhétorique, mais en même temps, il y a des choses clés qui sont pas là. Donc ben voilà, mais là tu vas voir. Oui, pour l'instant, le lecteur, il veut rien savoir. Le lecteur veut rien savoir. De la technologie. Oh oui, mesdames, messieurs, on va pouvoir vous mettre ça à l'instant. Juste pour vous montrer, là, eux aussi sont techno. The Vancouver Olympic Games are over, but a torch is still burning. Royal Bank Canada was a major sponsor of the recently concluded 2010 Olympics on stolen indigenous land. This land was never legally ceded to colonial British Columbia. Et donc, c'est ça. Là, ça, c'est une espèce de voix de synthétiseur qu'on entend. Évidemment, c'était pour brouiller la voix, j'imagine. Et c'est le vidéo qu'on peut trouver sur notre blog. En gros, l'attentat, la revendication, c'était pour protester contre la spoliation des terres autochtones pendant les Jeux olympiques, l'augmentation de la pauvreté que ça cause à Vancouver, dénonce aussi l'exploitation des sables bitumineux financés par la Banque royale et finalement le G8, le G20. Mais en fait, ils disent, les Jeux olympiques sont finis, mais il y a une torche qui brûle toujours. Et nous, on passe la torche de la résistance olympique aux résistants du G8 et du G20. Oui, il y a eu une erreur dans le, quand ils ont passé la torche, ils ont accroché une bâton de dynamite. D'habitude, ben, quand tu passes la torche, ça veut pas dire qu'on pète de quoi. De fait, on sait pas si c'est... OK, avouons-le. On peut pas exclure complètement que ce soit effectivement des anarchistes qui aient posé un geste de ce genre-là. C'est des choses qui arrivent des fois, mais... Ça ressemble vraiment à une opération policière. Ouais, y a-t-il des vidéos, y a-t-il des images, des dommages causés? Ouais, mais on parle de 300 000 dommages, et tout. Il y a comme, on voit une image, en fait, de l'édifice, des gens qui en sortent, et puis une espèce de bombe incendiaire qui explose. C'est pas un cocktail Molotov, là. C'est vraiment ça pète. Et les vitres sont soufflées et tout. Et les gens se poussent, semble-t-il, d'après les témoins, en VUS sport. Mais dans tous les cas, on peut se poser des questions parce que ça arrive juste avant le G8, G20. C'est même pas subtil, là. Le lien est directement mis dans le communiqué avec le G8, G20. Et qu'est-ce que ça va faire concrètement? Ça va pas alimenter la flamme de la résistance. Ça va alimenter la flamme de la répression. C'est évident. Donc disons-le, c'est possible. Peut-être que c'est des anarchistes. Peut-être que c'est des jeunes radicaux. On le sait pas. Sauf que c'est clair que dans l'état actuel des choses, ça joue le jeu de la police plus que le jeu de la résistance. Et de la résistance, parlons-en. C'est pas de cette façon-là qu'elle s'exprime. Oui, elle va s'exprimer avec des black blocs. Oui, elle va s'exprimer avec des barricades. Oui, elle va s'exprimer aussi avec des clowns, avec des trucs festifs et tout ce que vous voulez. Mais bon, en tout cas, bref, la résistance, elle va débarquer à Québec vendredi le 28 mai à 19h30 au bar Coop l'Agité. Il y a Action Anti-G20 Québec parce qu'il y a un groupe qui s'est formé à Québec pour le G20 qui invite les gens à un cabaret ils disent un cabaret qui fera s'étendre nos racines jusqu'au pied de leur mur. En fait, le but, c'est de ramasser des sous pour financer un autobus qui va partir de Québec, qui va aller à Toronto pour participer aux manifestations. Parce que le G8, le G20, mais coudonc, disons-le, là, c'est les principaux dirigeants de la planète, puis c'est eux autres qui ont fait la crise économique, puis c'est eux autres qui vont mettre en place des politiques qui vont nous mettre plus dans la merde. Donc effectivement, il va y avoir des protestations, et c'est l'occasion de se rencontrer, de partager les visions, les espoirs d'un monde débarrassé du colonialisme, du patriarcat, du capitalisme, où on peut voir s'entendre partout un esprit de communauté de résistance. Donc, si vous voulez voir effectivement la vraie résistance au G20, c'est au cabaret le 28 mai à 19h30 au bar Coop La Jetée. Il va y avoir plein de bands qui vont être là, dont semble-t-il du hip-hop politique. Bon, en fait, il va y avoir des gens du Toronto Community Mobilization Network, ça c'est le groupe qui organise les manifestations, ils vont pouvoir répondre à vos questions. Mais il va y avoir aussi des artistes comme Testament, Illogic, Blank Space, des Outspoken Wordsmith, et puis il va y avoir des invités, des DJ surprises qui vont probablement faire une belle soirée. Donc si vous êtes présent à Québec vendredi le 28 mai dès 19h30, vous allez à la JT, avoir une contribution volontaire suggérée de 5$, ils refusent personne. Puis si jamais vous voulez monter à Toronto, vous le savez, vous voulez aller à Toronto au mois de juin pour le G20, ben vous pouvez aller chercher plus d'informations sur notre site. Sinon, il faut aussi écrire au groupe qui s'organise. Donc c'est qcvsg8g20@gmail.com. Puis ben, si vous cherchez sur internet là, Action Anti-G20 Québec, vous allez avoir plus d'informations là-dessus. Si vous voulez voir la vidéo et la revendication de l'attentat d'Ottawa, qui tombe pas vraiment dedans nos cordes, puis notre genre de truc là, c'est des actions d'avant-garde armée, c'est pas ça ne vous énerve pas le poil des jambes d'habitude? Non, pas trop. On va dire qu'on aime pas ça, mais je parle pour moi. Mais ceci dit, si vous voulez voir ça, en savoir un peu plus, évidemment ça va être dans tous les médias. Je crois que dans les prochains jours, toute déclaration d'officiel sur cette question sera à prendre avec un très, très, très, très gros grain de sel. C'est ce qui va mettre fin à cette édition de Voix de Fait sur les ondes de CKIA 83 à Québec. C'était Nicolas en compagnie de... Jenny. Et Farouko. On se laisse avec du 8-6 crew pendant une longue minute.